Petit, j'ai été retardé. Rachitique, tout jeune j'ai été. Mauvaise mémoire, j'ai toujours eu. Apprendre, je n'ai jamais pu. C'est très dur, quand l'on est enfant, d'être conscient et impuissant. Comme disait ma pauvre maman, mon petit, tu as un cerf-volant. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, veuillez m'aider. De l'avant, je dois aller. Et sans ne rien oublier, mais ce que je me souviendrai, c'est que vous vouliez m'écouter. Vous me soutenez, vous m'encouragez. Pour ça, je ne vous oublierai. J'ai travaillé, j'en ai bavé. J'étais plein de volonté. Retenir, je ne pouvais. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Beaucoup d'ans vont se moquer, je ne le faisais pas exprès. Ils apprenaient, ils retenaient, je ne pouvais que les envier. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, veuillez m'aider. De l'avant, je dois aller. Et sans ne rien oublier, mais ce que je me souviendrai, c'est que vous vouliez m'écouter. Vous me soutenez, vous m'encouragez. Pour ça, je ne vous oublierai. Je suis un peu handicapé et je tiens à m'en excuser. Comme des fois, vous le constatez, je dois lire ou écouter. Pourtant, il me vient plein d'idées. Je peux écrire et composer, interpréter, analyser toutes ces chansons que je fais. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît, veuillez m'aider. De l'avant, je dois aller. Et sans ne rien oublier, mais ce que je me souviendrai, c'est que vous vouliez m'écouter. Vous me soutenez, vous m'encouragez. Ça, je ne vous oublierai, mais ce que je me souviendrai, c'est que vous vouliez m'écouter. Vous me soutenez, vous m'encouragez. Pour ça, jamais je ne vous oublierai.